Bonjour, bonjour. Donc, c'est le retour de Bulle de Rêve après quelques émissions malheureusement loupées. Je suis très content d'être de nouveau avec vous, surtout que pour faire une émission dont j'avais envie de. Avec les invités dont j'avais envie de voir dans ce studio depuis très longtemps, donc je suis d'autant plus ravi d'être ici. Vous avez entendu le générique de l'émission. Je vais parler un peu plus doucement. Le générique de l'émission, on le doit à un groupe qui s'appelle Jam, J-A-M, qui est un groupe japonais qui fait du jazz. Vous allez voir, il y a pas mal de choses métissées qu'on va avoir, notamment dans la musique. Et juste après, vous avez entendu une internationale un peu particulière. On le doit à un film qui s'appelle Monsieur Coq, dont Franck Dion est le réalisateur est présent. Salut Franck. Bonjour Alex. Pierre Caillet, qui est le musicien, est aussi présent avec nous. Bonjour. Donc ça, on parlera en deuxième partie. Et en première partie, je suis très content de le recevoir. Le livre, mais c'est ça avec les grands livres, c'est qu'en fait, c'est pas très grave qu'il date de... 3 ans maintenant 2005. Hein, 2005, 3 ans. Donc on a Sébastien Roffa, donc vous venez d'entendre la voix. Bonjour Sébastien. Bonjour Alexis. Pour un livre... Il n'y en a pas que des films qui s'appellent Animation et Propagande. C'est suffisamment rare en plus, les livres sur l'animation. Il n'y en a pas tant que ça, donc c'est très intéressant. On va voir ça. Donc une émission un tout petit peu plus politique. On va voir un petit peu comment l'animation peut s'arranger avec l'animation. Je ne sais pas si Nicolas Mouan, on va commencer avec mon coup de cœur en fait, du mois. Plus qu'un coup de cœur, hier j'étais à un concert pour tout vous dire et il y avait Boomchello qui était là. Et ça m'a un peu énervé parce que c'est le genre de groupe qui reprend un petit peu d'oriental, un petit peu d'africain, qu'il mélange sans trop de réellement de réflexion, je trouve, évidemment, c'est très personnel. Et donc je me suis ressorti un album qui s'appelle Mali Music, qui est un album de Damon Albarn, le chanteur de Blur notamment, mais qui a fait Gorillaz, etc., et qui est parti en Afrique, au Mali, qui a récupéré plein de chants et qui a fait des chansons mélangées avec sa musique et aussi des chansons purement africaines. Donc on va commencer à écouter le morceau qui s'appelle Bamako City. On écoute maintenant donc Mali Music. Ingalla jebe na amma Donc vous écoutiez Mali Musique dans Bulle de Rêve, l'émission 100% animation. On va commencer par Sébastien. Déjà, ça vient comment comme idée de faire un livre sur l'animation programme? Parce que c'est énorme comme idée, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Il faut vraiment beaucoup, beaucoup gratter pour trouver des choses. En fait, c'est parti de mon mémoire de maîtrise d'histoire contemporaine. J'avais envie de faire un sujet original, mais je t'ai dit, si je ne trouve pas un sujet original, je ne ferai pas de maîtrise, parce que je n'ai pas envie de faire une maîtrise comme tout le monde fait une maîtrise. Donc, je m'étais dit, je passerai le concours de professeur à ma licence, et puis je ne ferai pas de maîtrise. Et du coup, j'ai trouvé ce sujet, parce qu'à chaque fois que je lisais un livre sur Disney, on s'arrêtait en 42 avec Bambi, on reprenait en 50 avec Cendrillon. Et très rarement, il y avait ce qui s'était passé entre 42 et 50. Donc, c'était ma première interrogation. Et effectivement, au départ, je me suis retrouvé devant un vide intersidéral. Et tout le monde m'a dit, laisse tomber ton sujet, tu trouveras rien, il y a rien, etc. Et donc, ça a été très, très difficile les premiers temps. Et j'ai failli abandonner parce qu'en fait, à part sur le cinéma américain, il y avait strictement rien. Et puis, il y a eu une émission sur Arte sur le cinéma allemand de propagande, avec des dessins animés. Donc de fil en aiguille, j'ai pu rencontrer des gens. Je remercie Philippe Witkock, qui m'a permis de visionner les premiers dessins animés de Disney de propagande. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas sorti leur DVD. Ça leur posait un problème métaphysique de sortir leur coffret de films de propagande. Donc, juste pour une anecdote, oui. Je me rappelle d'une rétrospective qu'il y avait eu à Annecy, alors je ne sais pas, il y a une quinzaine d'années. Oui, c'était il y a longtemps. Ouais. Et jusqu'à la dernière minute, on attendait, il y avait une liste de films. Et jusqu'à la dernière minute, on attendait. Disney disait non, mais on le restaure, vous comprenez. Et en fait, la programmation est amputée de la moitié des films, finalement, parce qu'ils ne voulaient pas laisser sortir ces films honteux, soi-disant. Enfin, en tout cas. Ouais, c'est même pas les films honteux, en plus, que c'est plutôt alors. C'est des films anti-nazis, donc ça pourrait être bien pris, mais c'est vrai que voir Donald avec un brassard nazi, on peut se demander pourquoi, alors qu'il faut voir le film en entier pour comprendre le sens du dessin animé Der Führer's Face, en l'occurrence. Mais c'est vrai que ça posait des problèmes à Disney, ça pose des problèmes à tous les studios qui ont fait des films de propagande, parce que souvent c'est des films racistes envers l'ennemi. Il y a beaucoup de films anti-japonais américains, il y a des films nazis qui étaient antisémites, donc ça pose évidemment des problèmes éthiques de est-ce qu'on peut les voir, où est-ce qu'on peut les voir. Donc ça pose beaucoup de questions et d'interrogations, et donc les films ne sont pas faciles à voir. Alors on va se faire plaisir, on va écouter trois extraits. On va écouter un extrait de, alors pour l'instant pas Disney, on va parler d'autres, de Private Snafu, Booby Barts, de Daffy Duck, Duffy the Commando, de Bugs Bunny, qui est un petit cours qui était pour les Bounds, hein, pour tout ce qui était prêt, enfin de l'armée. Les bons de la défense, oui. Hein, les bons de la défense. Et on va écouter un Superman qui s'appelle Japoteurs. On écoute, donc ça fait environ 4 minutes, c'est en anglais. On écoute ça, vous allez voir, on écoute. The enemy has fled. Abandoning the area. As our forces move up, they must exercise great care. Every object is a possible booby trap. Some booby traps are more alluring and ingenious than others. If you are a boob, you will be trapped. I wish the hell you'd shut up. I ain't no boob and I won't be trapped. Hey, Liederkranz, what time is it? When you hear the tone, it will be exactly 6:45 on 1/4. Schultz? May I present you with this little token of our esteem? For me? Dankeschön, Dankeschön. Just a little going-away present. Well, see you around. Schultz! Yeah. man with a high hat and a whiskers on his chin will soon be knocking at your door, and you ought to be in. The tall man with the high hat will be coming down your way. Get your savings out when you hear him shout, any bonds today? Come on and get him, folks. Come on, skip right up and get him. Any bonds today? Bonds of freedom, that's what I'm selling. Any bonds today? Scrape up the most you can. Here comes the freedom man, asking you to buy your share of freedom today. Ah, money stamps today, gift kitties. We'll be blessed if we all invest in the USA. Sammy, my Uncle Sammy. Here comes the freedom man. Can't make tomorrow's plan. Not unless you buy your share of freedom today. Any stamps, any bonds today. Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to soar higher than any plane. This amazing stranger from the planet Krypton, the Man of Steel, Superman. Possessing remarkable physical strength, Superman fights a never-ending battle for truth and justice. Disguised as a mild-mannered newspaper reporter, Clark Kent. Voilà, donc c'était Private Snafu, Daffy Duck, Bugs Bunny, Superman. Donc on a Warner, MGM dans Private Snafu. C'est quel studio C'est fait par la Warner, mais c'est pour l'armée américaine. D'accord. Donc c'était pas destiné au, c'est pas passé dans les cinémas. D'accord. C'est la Warner. C'est la Warner. Chuck Jones a travaillé beaucoup sur la série Private Snafu. Ok. Et Chuck Jones, hein, Bugs Bunny, enfin on connaît, qui est important. Et Superman, donc les frères Fleischer. Donc on a en fait tout le monde. Là, on est aux États-Unis pour l'instant, on va commencer. Tout le monde, en fait, participe de cet effort de guerre. Comment ça se passe ? Ce qui est assez... Enfin, c'est pas surprenant pour les États-Unis, c'est-à-dire que c'est pas du tout des commandes gouvernementales pour la plupart. C'est vraiment les studios qui font ça par patriotisme, beaucoup. Et c'est vrai que c'est très à la mode aux Oscars en 42. Quasiment la plupart des films sélectionnés sont des films de propagande, très patriotiques. Et quand Air Force Face remporte l'Oscar du meilleur court-métrage... En sélection, il y a le Tex Avery, Blitzwolf, et plus d'autres dessins animés de propagande. Les longs métrages sont des films de propagande. Donc en 43, et par exemple sur Disney, 90% de ces dessins animés, c'est des films de propagande. Donc c'est absolument énorme. Par contre, on va remarquer que dès 44, les gens commencent à se lasser et les studios vont d'eux-mêmes faire moins de films parce que c'est plus la peine d'expliquer à quoi ça sert le ravitaillement, à quoi ça sert de payer ses impôts à temps pour l'effort de guerre, etc. Mais c'est vrai que la plupart, à part Private Snafu, qui est une commande de l'armée, peut-être qu'on en expliquera peut-être un peu plus tout à l'heure, qui était pour expliquer aux soldats de façon drôle comment on charge un fusil, faire attention aux espions, ne pas trop parler, parce qu'on avait remarqué que passer un film en prise de vue réelle, en disant la même chose, ça passait pas pareil, que les gens enfin les soldats, on avait eu des rapports, ils jetaient des pierres sur les écrans, etc., ils sifflaient, enfin, d'accord. Ça les ennuyait beaucoup. Et dans, justement, alors, il y a plein de dossiers, il y a un grand sommaire dans le livre, donc je rappelle Animation et Propagande, et il y a un dossier à un moment donné, Animation, Propagande et Animaux, et il y a donc dans le journal interne, un petit paragraphe qui dit donc dans le journal interne au personnel des studios Disney, Dispatch from Disney, Joe Grant et Dick Wemmer décrivent les dessins animés comme l'arme pour écraser Hitler, qui, avec humour et fantaisie, aide à gagner la guerre. Et donc là, une petite citation. « Aucune autre arme de propagande ne peut ridiculiser les forces de l'Axe, exposer ses absurdités avec tant de hardiesse. Qui d'autre peut prendre des objets inanimés ou des animaux et les transformer en des personnages incroyables qui combattent à nos côtés ? Et puis, il y a la traîne de notre moyen d'expression qui permet d'atteindre notre but par l'utilisation de la caricature et du symbolisme. » Donc c'est un peu ça, c'est l'animation est finalement beaucoup plus facile, on va dire, et touche plus de monde d'ailleurs. Bah, elle touche... bah, les dessins animés étaient diffusés, Hollywood fait 130, 140 dessins animés par an, donc c'est énorme, et il passe avant chaque grand film, donc c'est pas comme aujourd'hui, on peut considérer que c'est un média pour enfants pour certains, mais c'est vrai que c'est placé avant chaque grand film, donc dans tous les avant-programmes, donc tout le monde voit des dessins animés, et la plupart sont en couleur, alors que les autres films sont en noir et blanc, donc la couleur a un attrait indéniable et indubitable sur la propagande, sur le... C'est un des écrans géants, une voix très forte, de la couleur. Et grâce au dessin, au graphisme, on peut rendre de façon très claire et en une seconde, on sait qui est le méchant. Et donc, il faut que ce soit très clair. Et la propagande américaine est toujours extrêmement claire. On sait immédiatement qui est le méchant. Il n'y a pas vraiment de subtilité. Et le gouvernement américain, d'ailleurs, ne demande pas à ce qu'il y ait de subtilité parce qu'ils vont faire un manuel du parfait propagandiste où ils demandent d'être très clair et de que ce soit simple, que le méchant soit immédiatement identifiable. Donc le dessin animé, c'est très simple, le trait est graphique et le message... On a remarqué que le message passait beaucoup mieux en animation. Et l'importance des héros, puisque là on a entendu, il y a Daffy Duck, Bugs Bunny, c'est-à-dire des héros qui sont... Est-ce qu'ils étaient déjà identifiés à l'époque ou... Justement, c'était pas des héros, ils sont devenus des héros avec la guerre. Superman est devenu célèbre avec la guerre. Bugs Bunny, c'est la première star multimédia. Et Bugs Bunny a été créé en 40 par Tex Avery. C'est vraiment la Seconde Guerre mondiale qui va en faire des héros. Mickey est un héros de la dépression des années 30, mais pas du tout de la guerre. Disney savait pas trop quoi faire de Mickey, il savait pas trop quel rôle lui donner. C'est pour ça qu'on va mettre en avant un autre personnage de l'écurie Disney, c'est Donald, où on peut lui faire ce qu'on veut, alors que Mickey c'est vraiment le symbole de l'entreprise et on n'ose pas trop le mettre dans des films de propagande. D'ailleurs, il n'apparaît que dans un film de propagande. Alors, on va essayer de voir, je vais essayer de changer un tout petit peu quelque chose. Je suis désolé parce que c'est vrai que je pensais, mais est-ce qu'on peut passer, s'il te plaît, Nicolas, la sixième piste? C'est très technique. On va écouter Joe Grant, en fait, de Disney. C'est encore de l'anglais, mais on va essayer ensuite de traduire un petit peu, nous expliquer justement comment se passait son travail. Donc, on écoute Joe Grant. You started off as an artist, thinking visually, and then you came to the studio and you eventually became involved in story. Right. Did you ever foresee that you would be using those tools to educate people or to propagandize? It turned out to be a fantastically effective way to get to people. Most of my time during the war was hiding behind a drawing board and shooting from there. It was not planned on, but I mean, it all came and dropped on us, and it changed the whole spirit of the country. I mean, people seem to forget what that really meant. I think this terror situation is akin to it in a way. But there it was mandatory that everybody play a role, and they didn't. I mean, it seems like oil and water, let's put it that way, mixing artists and military personnel, especially officers. Well, the artist, of course, is a revolutionary. He's free and he wants to do his thing. But in this case, I think they all... settled down to the idea that this was war, and you were all on the same side. Oh yeah. Alors, en gros, hein, ils disent que Leonard Maltin, donc, qui est un peu le spécialiste de Disney aux États-Unis, que c'était l'effort de guerre que tout le monde était du même côté. Joe Grant dit que oui, c'était un peu leur participation et qu'il était derrière sa planche de dessin, enfin son bureau, et c'était sa manière de lui tirer, on va dire, contre l'ennemi. Et il dit à un moment donné quelque chose, il dit, parce qu'il y a des militaires, Sébastien, tu vas nous expliquer, il y a des militaires qui viennent au studio et qui se mélangent avec les artistes, et Leonard Maltin, l'intervieweur, lui dit, mais c'est un peu comme mélanger l'huile et l'eau, c'est un peu surprenant. Et Joe Grant dit, en effet, l'artiste est avant tout un révolutionnaire, il est libre, il a envie de faire ce qu'il a envie, et donc c'était surprenant, mais on sentait qu'il fallait faire quelque chose. Alors, question piège, Franck, est-ce que par rapport à ça, il me regarde, pourquoi il me pose cette question? Non, mais je trouve ça, mais toi déjà devant le micro en effet. Non, mais par rapport à l'idée de révolutionnaire, et l'idée d'un seul coup dans un cas exceptionnel, ça peut être dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Est-ce qu'un artiste se sent encore plus impliqué? Wow. ça dépend des artistes. Enfin, je pense. Je pense que ça dépend complètement des artistes. Il y a des artistes qui considèrent que la politique ne fait pas partie de leurs prérogatives. D'autres qui considèrent que l'art, c'est de la politique. Enfin, j'ai dit à peu près rien du tout, là, mais... Si, non, mais maintenant, on va aller... Donc, et vers toi, par exemple, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se passe en France, qui est là où tu habites, etc., est-ce que tu peux prendre ton art, donc l'animation, une partie de ton art qui est l'animation, pour revendiquer certaines choses? Est-ce que toi, tu te vois faire ça, que ce soit dans une guerre, on va dire, là, mondiale, ou même civile, ou même dans une petite révolution C'est pas l'envie qui m'en manque. Ça ne m'est jamais arrivé vraiment. Quoique, dans le film dont on a parlé tout à l'heure, je dénonce des choses qui me dérangent dans notre société actuellement, mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Ceci étant dit, je suis pas vraiment passé à l'action, comme on dit. D'accord. On en reparlera quand même, Monsieur Coq, parce qu'il y a certaines choses quand même qui sont là. Juste rajouter, dans ce genre de film, justement, où on s'engage politiquement, c'est dangereux pour l'animation, parce que c'est des choses qui vieillissent très vite et qui sont très vite datées. Et la plupart des animés de propagande, et donc, de façon plus générale, un film politique clairement daté, c'est la mort du film quelques années plus tard, parce que on comprendra plus les références, ce sera pas des références intemporelles, et ce sera très daté, et on ne pourra plus rien en faire. Alors. Et à moins que ce soit une portée très générale du film, et si c'est vraiment très pointu sur un événement politique, pour l'animation, pour un documentaire ou quelque chose qu'on va filmer dans la rue, c'est pas grave. Mais passer plusieurs années à faire un film sur un point très précis, on est parfois aussi anachronique parce que l'événement est passé, c'est un peu dilué dans le temps. Donc pour l'animation, c'est un art très difficile de faire politique et dessin animé. Sauf là quand c'est la Seconde Guerre mondiale qui a quand même marqué. Et je vais te passer donc une image, et comme on est à la radio, il va falloir que tu la commentes. Et surtout que tu dises ce que tu vois dessus. Tu en as déjà parlé deux fois, mais il y a des films qui restent un peu plus. On t'écoute pour commenter et nous dire ce qu'il y a sur cette image. Donc c'est une affiche de propagande d'un film de Disney qui a eu l'Oscar du meilleur dessin animé, Der Führer's Face, qui est un film de Disney avec Donald, qui travaille dans une usine de munitions en Allemagne. C'est l'un des rares films où on n'attaque pas Hitler, où on ne voit pas Hitler directement, mais on attaque la vie en Allemagne. Et donc Disney vit dans un pays nazifié où... Donald. Pardon. Donald vit dans un pays complètement nazifié où tout représente la croix gammée. Et donc il dort et il est réveillé par des soldats nazis et doit travailler dans cette usine de munitions. Et il est constamment en train de devoir saluer le portrait officiel d'Hitler. Et donc ça rappelle beaucoup Chaplin avec Les Temps modernes quand il travaille dans l'usine où il doit aller très vite. Et à la fin, il se réveille et il voit encore un bras tendu. Donc il lève le bras et commence à dire « Heil Hitler ». Et en fait, c'est la Statue de la Liberté qui a le bras tendu, qui a une ombre dans sa chambre. Et ce n'était qu'un cauchemar. Et donc, il vient embrasser la Statue de la Liberté. Et il finit, le film se termine par « Comme je suis fier d'être citoyen des États-Unis d'Amérique wow. ». Et avec la grande musique, etc., le drapeau, etc. Donc, c'est vraiment un pur film de propagande qui est très facilement utilisable avec des élèves aussi, parce que j'utilise beaucoup en classe. Parce que c'est vraiment quelque chose de très visuel, de très simple et de tellement caricatural des deux sens. Qu'on comprend assez vite le message. Parce que là, sur l'affiche, on voit Donald jeter, alors que Hitler a visiblement deux yeux en forme de croix gammée, on ne voit pas le deuxième, puisqu'il y a une tomate qui vient s'écraser. Effectivement, et à la fin du film, parce qu'en fait, c'est un clin d'œil à la fin du film, le film, en fait, devait s'appeler à l'origine Donald au pays des... In Nutsil, hein, donc au pays des tarés ou de gilets. Oui, c'est ça. Ça se joue avec nazi et nuts. Nuts qui veut dire fou en anglais, donc nazi. Et en fait, le compositeur Oliver Wallace a tellement composé une chanson qui était entraînante d'Air Führer's Face qu'ils l'ont changée au dernier moment. Et à la fin du film, ça se finit avec Donald qui jette une tomate bien mûre sur l'affiche où il y a Hitler dessus. Et donc, cette affiche qu'on voit là, on voit la tomate bien mûre qui est jetée sur le visage d'Hitler. Ce qui est étonnant par rapport à ce film, c'est qu'il y a quand même des très beaux moments d'animation dedans. Il y a un moment donné d'explosions, de choses comme ça. Il y a des choses qui tiennent bien aujourd'hui. Ah oui, ça par exemple, c'est daté, mais c'est tellement daté, je veux dire, que c'est réutilisable et on comprend immédiatement que c'est la Seconde Guerre mondiale, que c'est Hitler. Et ce ne sont pas du tout des films qui ont été faits au rabais. C'est vraiment des films qui ont... Contrairement aux films dont tu parlais tout à l'heure, sur payer les taxes et les impôts à temps, que ça, c'était une commande du gouvernement américain. Der Führer's Face n'est pas une commande du gouvernement américain, c'est vraiment Disney qui fait partie des films qu'il a appelés de propagande psychologique. Et donc, c'était des films avec exactement le même budget, en gros 50 000 dollars, comme n'importe quel dessin animé. Donc, c'est des films qui étaient très soignés et qui étaient distribués tout à fait normalement, comme n'importe quel dessin animé. C'est ça, Disney tenait quand même à garder finalement la qualité de ses courts-métrages de l'époque à oui. travers ses... Alors, ce ne sera pas du tout la même chose pour, tu en parlais tout à l'heure, pour les films pour les soldats. Là, de toute façon, ce n'est pas destiné au public, donc ce sont des films qui sont faits très vite et très simplement, mais ce sont des films utilitaires. Là, c'est considéré comme des films artistiques, donc on y met le prix, on y met le temps, et ce sont les artistes qui travaillent habituellement sur d'autres films, et d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de long métrage en production. Après Bambi, ça s'arrête plus ou moins, donc ils ont le temps de faire des courts-métrages. Ce que dit quand même Joe Grant, donc on vient d'entendre, alors c'est dans un DVD qui malheureusement, il y a peu de choses, on en parlera un petit peu après, édité en France, malheureusement, qui est édité aux États-Unis, qui s'appelle Walt Disney on the Frontline, où on voit pas mal de choses, dont un long métrage, Victory, Through Our Power. Et Joe Grant dit quand même, qui est un animateur important du studio Disney, qui est quand même, et dit que Disney, surtout par rapport à certains de ses films, Washington c'était un peu... À part, enfin, il voulait quand même que ça soit avant tout des films de Disney. Il fallait qu'il y ait, certes, il fallait que ça soit, il y ait de la propagande, qu'on puisse comprendre, mais à la fois, il fallait avant tout que ça soit écrit, réalisé, comme un autre film de Disney. C'est-à-dire, il fallait quand même, voilà, que ça soit sur du papier amusant, enfin, vraiment que ça soit très parfait. Mais quand le secrétaire d'État au Trésor, Morgenthau, convoque Disney à Washington pour lui demander de faire un film sur comment payer ses impôts plus rapidement, il espère, Morgenthau, que Disney va arriver avec un nouveau personnage, un Américain moyen, un monsieur tout le monde qui va devoir payer ses impôts. Parce qu'en fait, le film, c'est pour que les gens... On a abaissé, en fait, pour que plus d'Américains payent leurs impôts. Donc c'est ça le but, c'est que faire comprendre aux Américains qu'il faut payer les impôts et surtout les payer à temps. Donc c'est ça le but du projet. Et Disney arrive en disant, moi, je vous donne Donald Duck. Et Morgenthau dit, mais j'en veux pas, moi je veux un personnage tout neuf. Et Disney se met en colère en disant, je vous donne ma star, imaginez si la MGM vous donnait votre star, je vous donne ma star. Donc imaginez le sacrifice que je fais, associer Donald avec un film sur le trésor américain qui a priori c'est pas très glamour. Donc Disney vraiment, c'était en plus un film qui était basé sur une base de non-profit comme tous les films. Pour le gouvernement américain, c'est-à-dire que Disney ne faisait pas de bénéfices sur ses films. Donc il était... De toute façon, très engagé, on sait que Disney était un patriote, oui. un grand patriote américain. Et donc, il était très engagé. Ça lui faisait, je pense, plaisir de prêter ce personnage. Oui, au niveau des autres studios, on a parlé un petit peu. Tu peux nous parler un peu de donc, Private Snafu, le comment on dit private en français déjà ? Le soldat. Le soldat, tout simplement. Ça se voit que j'ai pas fait mon armée. Donc, Private Snafu, tu peux nous en parler un petit peu. Il y avait pas mal de personnages qui étaient créés spécialement pour à l'intérieur même de l'armée seulement pour. Le studio Warner, c'est vraiment le studio qui est le plus engagé au point de vue de films de propagande. C'est eux qui vont faire les films de propagande les plus racistes et les plus anti-japonais. Les frères Warner sont très proches du pouvoir américain, sont très proches de Roosevelt aussi. Donc il y a beaucoup de films de propagande de la Warner. Et l'armée américaine, l'armée de terre, va demander de faire une série, Private Snafu, donc je vous disais tout à l'heure, pour apprendre aux soldats à gérer des armes, etc., pour les faire en dessin animé. Donc cette série est destinée exclusivement aux soldats et n'a jamais été montrée en salle. Donc c'était pas du tout pour... C'est extrêmement bien fait par contre, contrairement aux films d'entraînement où on montre quels sont les signaux maritimes, etc. Parfois des films en couleur ou comment on se sert d'un fusil. Private Snafu, c'est très drôle, c'est très bien fait. Il y a beaucoup d'humour de soldats américains, plein de jeux de mots. Donc c'est vraiment très très bien fait. Donc le studio Warner est aussi très impliqué. De toute façon, tous les studios sont très impliqués et Warner encore plus que les autres. Et ils sont très très politiques et contrairement à Disney pour les autres films, ils sont très très proches de l'actualité et ils font des films. C'est eux d'ailleurs les premiers qui vont arrêter de faire des films de propagande parce qu'ils vont comprendre que c'est signé leur arrêt de mort parce que les gens sont lassés au bout d'un certain temps de films de propagande parce qu'on ne voit que ça. Et alors, évidemment, bêtement, alors que je suis persuadé que je l'ai quelque part, tu peux nous raconter l'histoire. C'est un film de Tex Avery, c'est quoi? C'est Blitzwolf qui est censuré. L'armée veut le censurer. Et finalement, il y a un général, général qui appelle pour dire ben non, moi je veux la. Non, parce qu'en. Alors en fait, à l'époque, tous les scénarios doivent être soumis à l'approbation de la censure pour les soldats. Et donc, il y a le code Haynes aussi, le code de censure. américain qui est très, très, très précis. On ne doit pas montrer nudité, enfin bref, mais il y a tout un tas de choses. Et pour ne pas se faire censurer, Tex Avery, avant d'écrire un scénario, mettait tout un tas de choses, mais énormes, en se disant « il va me supprimer ça ». Mais je vais laisser d'autres choses, comme ça il va se dire « j'ai quand même pas tout le supprimer, sinon il ne va plus rien rester ». Donc il mettait son scénario, et Blitzwolf, c'est pas Blitzwolf, c'est, pas Blitzwolf, pardon, oui. C'est le petit chaperon rouge, Red Hot, Red Hot, voilà. Qui effectivement, où il y a, on voit le loup qui se tend en érection, tout son corps est en érection devant le petit chaperon rouge, et donc il y avait des scènes comme ça qui étaient, qui devaient être censurées pour passer au cinéma. Donc, la version a été censurée pour le public américain, mais il y avait un général qui était dans le studio, parce que les soldats étaient très présents dans les studios américains, qui a dit « Non, mais pour les soldats, moi, je veux la version non censurée. » Et donc, ils ont envoyé la version non censurée aux soldats américains. Les soldats américains ont eu le droit à la version non censurée de... Qui a été beaucoup appréciée, dit Tex Avery. Très appréciée, hein, c'est ce qu'il dit dans ses mémoires, que c'était très, très apprécié. On va faire on va passer ensuite, non, juste avant, encore aux États-Unis, après on passera au reste du monde, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont, tu vas nous dire par rapport à ce qui est visible, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses faciles à voir, d'ailleurs tu peux nous dire maintenant, visible aux États-Unis par rapport aux autres pays, comment ça se passe? Les États-Unis sont assez, par exemple pour Tex Avery, il y a eu un coffret qui est sorti il n'y a pas longtemps en France, où on a mutilé Tex Blitzwolf, où on a enlevé une scène où on voit le Japon qui tombe dans une espèce de cuvette des toilettes, enfin bref. Donc cette scène a été supprimée. On va parler juste après du racisme, en effet, qu'il y a dans tous ces films. Et on a supprimé le mot « no japs », c'était marqué « no japs, no dogs », et ça a été supprimé à la palette graphique. Donc il y a tout un tas de films qui sont censurés, qui sont remontés, qui sont coupés. Il n'y a pas longtemps, il y avait un coffret Bugs Bunny qui est sorti, et Bugs Bunny Nips the Nips, donc un film anti-japonais. Et le studio a été obligé d'enlever de rappeler tous les coffrets, de les ressortir avec... donc ce n'était pas un intégrateur de Bugs Bunny, puisqu'on a supprimé ce film. Donc il y a une liste noire comme ça de films qui sont censurés, qu'on ne peut pas voir. Et puis en France, il y a eu aussi des scènes antisémites qu'on ne peut pas voir. Et en fait, dans tous les pays, on est gêné par ces films. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu, je pense, d'études avant, parce qu'on ne pouvait pas vraiment les voir. Ou quand on les voit, on ne comprend pas le problème puisqu'ils ont été coupés. Donc il y a vraiment un problème de compréhension. Au nom du politiquement correct, en fait, on sacrifie la compréhension de l'histoire. Et c'est assez dramatique. Oui, enfin, c'est mon point de vue. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une... Parce que moi, c'est ce qui m'avait aussi agacé avec Tex Avery et tout ça. C'est qu'en effet, si à un moment donné, un pays est raciste ou antisémite, enfin, c'est bien de le montrer, mais il faut juste mettre peut-être un carton devant en disant « Attention, Franck, tu voulais dire quelque chose ?» Oui, moi, je trouve ça très inquiétant, parce que est-ce que c'est pas une manière, une forme de... Bon, le monde est très gros, mais de révisionnisme. Oui, non, mais c'est... C'est que là, c'est carrément, je trouve, faire disparaître des pièces qui sont, historiquement parlant, importantes. Mais c'est parce qu'effectivement, on ne comprend pas le problème, en fait. On se dit, c'est pas un film de propagande, alors, parce qu'il n'y a pas de problème. Et dans le coffret de Disney, dont tu parlais tout à l'heure, Disney on the Front Lines, si vous le regardez, tous les dessins animés sont introduits par Léonard Maltin. Vous ne pouvez pas accéder directement au film. Vous avez toujours la présentation. C'est impossible d'accéder directement au film. D'accord. C'est une exigence de Disney. D'accord, on fait un coffret avec des films de propagande, mais avant, il faut une explication d'un historien pour remettre en contexte le film. Donc, moi, ça me choque pas, je trouve ça à la limite très bien. Donc, je vois pas pourquoi Warner a censuré, mais c'est pas les seuls, hein. Mais c'est malheureusement des groupes de pression qui ont fait pression sur les studios pour interdire, c'est presque, pas dire un crime de mémoire, mais faire disparaître ces films pour dire qu'ils n'existent pas. Donc, on a des ligues à chaque fois qui se mettent qui hurlent, etc., et qui traitent les studios de racisme en plus. Donc, je pense que c'est un faux procès d'intention. Alors, puisqu'on est là, parce que je voulais en parler plus tard, mais on va en parler, puisque j'ai un historien du cinéma d'animation. Justement, est-ce qu'il n'y a pas une erreur, par exemple, Tex Avery qui se moque de tout le monde, des rednecks américains, les bambouzeux américains, qui se moquent effet des noirs, qui se moquent des Asiatiques, qui se moquent de tout le monde. En quoi, à partir de quand, il y a de la caricature? Bon, c'est un grand débat, hein, à partir de quand, c'est de la caricature et réellement du racisme? Et si on fait, si on supprime tout ça, est-ce qu'en effet, on n'induit pas, c'est du racisme, alors que ça l'est pas si on devait enlever chez des proches, à chaque fois qu'il dit un truc sur les juifs ou quelque chose, alors qu'on sait bien, on sait qu'il y a des proches et qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça, ça ferait un peu bizarre. Est-ce que là-bas, il n'y a pas. Là, on est un peu dans une période, y compris en France, où on voit le mal partout, je crois. Et il y a beaucoup de dessins animés, effectivement, de l'époque, qui véhiculent tout un tas de clichés. Qui sont pas forcément des clichés racistes, mais qui sont vus comme racistes aujourd'hui, mais qui n'étaient pas franchement racistes à l'époque. et qui ne se voulait pas comme ça. Que ça c'est la caricature. Oui, c'est la caricature. Enfin, pas forcément d'une... Mais je prends un seul exemple dans Les Trois Petits Cochons. Il y a une scène, normalement, mais qui est coupée, où il y a un colporteur juif qui arrive, mais qui est avant que le loup n'arrive, il y a un colporteur juif avec un gros sac qui arrive, qui frappe Trois Petits Cochons pour demander comment ils vont et qui veut leur vendre des produits. Et c'est clairement une caricature juive. Mais qui n'était pas anti-juif, c'était simplement une espèce de clin d'œil, comme on Tex Avery peut caricaturer les Noirs, etc. Enfin, c'est pas forcément méchant, il y a pas forcément de même les Wasps. Enfin, c'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est quand on voit toute l'œuvre de Tex Avery, encore une fois, même les Américains blancs, on pourrait se dire parce que bon, s'ils critiquaient les Juifs, les Noirs, les Asiatiques, on pourrait se dire oui, il y a un truc bizarre. Mais même les blancs, enfin encore une fois, les rednecks. Mais ils se moquent de tout le monde, y compris de lui-même. Donc voilà. Mais et donc cette scène on a été obligé de la supprimer parce que on a dit bah oui mais alors c'est un colporteur juif donc il faut supprimer. Et pareil le film de Bob Clampett Blanche-Neige et les Sept Nains mais avec joué que par des noirs qui jouent du jazz, c'est considéré comme raciste donc on ne le voit plus. Donc et puis alors tous les films de Warner de la guerre où là clairement c'est anti-japonais à fond où ils sont représentés avec des lunettes énormes, des dents proéminentes et il rit tout le temps, etc. Enfin, bon. Et tout ça, c'est supprimé. Donc, du coup, on ne comprend pas le. On ne peut pas remettre en contexte. Et moi, je trouve ça grave. Alors, on va faire une petite pause musicale. On va revenir à la chanson 5. Merci, Nicolas, qui est. Je trouvais que ça tombait bien avec ce qu'on dit en ce moment, qui est Georges Brassens, la balade des gens qui sont nés quelque part. On écoute Georges Brassens. C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leur rempart. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont quelque part, les imbéciles heureux qui s'en égarent. Maudits soient ces enfants de leur mère patrie, empalés une fois pour toutes sur leur clocher qui vous montrent leur tour, leur musée, leur mairie. Vous font voir du pays natal jusqu'à Loucher, qu'il soit Paris ou de Rome ou de Sète ou du diable Vauvert ou bien de Zanzibar ou même de mon cul, ils s'en flattent mazette, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Le sable dans lequel douillettent leurs autruches, enfouissent la tête, on trouve pas plus fin. Quant à l'air qu'ils emploient pour gonfler leurs baudruches, leurs bulles de savon, c'est du souffle divin. Et petit à petit, les voilà qui se montent le cou jusqu'à penser que le crottin fait part. Leurs chevaux, même en bois, rendent jaloux tout le monde. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. C'est pas un lieu commun, celui de leur naissance. Ils plaignent de tout cœur les pauvres malchanceux, les petits maladroits qui n'eurent pas la présence, la présence d'esprit de voir le jour chez eux. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire, contre les étrangers tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Mon Dieu, qu'il ferait bon sur la terre des hommes, si l'on y rencontrait cette race incongrue, cette race importune, et qui partout foisonne, la race des gens du terroir, des gens du cru. Que la vie se révèle en toutes circonstances, si vous n'aviez tiré du néant ces jobards. preuve peut-être bien de votre inexistence. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Donc, toujours Bulle de rêve, l'émission 100% animation sur Radio Libertaire. Et nous écoutions Georges Brassens, La balade des gens qui sont nés quelque part. C'est bien comme il y a des chansons qui tiennent toujours aujourd'hui, qui sont tellement actuelles, même quand on les écoute quelques dizaines, vingtaines, trentaines d'années après. Donc, c'est toujours agréable. Il nous reste, un quart d'heure pour parler, pour finir, ce qui est trop peu de temps, comme d'habitude, de toute façon. Mais quand c'est passionnant, j'ai toujours l'habitude de m'étaler. Dans le reste du monde ? Comment ça se passe ? On va commencer puisqu'on est en France. Ça se passe comment en France ? Parce que y a une... c'est quoi l'industrie dans les années 40 ? Ben justement, moi j'ai commencé par... J'ai fini par la France, ce qui est un peu bête parce qu'on habite en France, forcément. Ben, il n'y avait rien, il n'y avait aucune recherche qui avait été faite dessus. Et les Américains pensaient qu'ils étaient les seuls à avoir fait des films de propagande. Donc j'ai dit, on va voir. Et donc j'en ai trouvé une dizaine de dessins animés clairement de propagande, avec les archives françaises du film notamment, où ils en restaurent quelques-unes. Bah, le pays, comme vous savez, est partagé en deux, donc il y a un côté à Paris, un côté à Vichy. Donc l'industrie va beaucoup se développer à Paris, où le gouvernement de Vichy va investir plusieurs dizaines de millions de francs pour créer une industrie française du dessin animé, en mettant en avant l'art français. Puisque les dessins animés américains sont interdits par Hitler, ce serait intéressant d'y revenir, mais on n'a pas vraiment le temps. Pourquoi ? Non, vas-y, dis quand même. Il faut savoir que Hitler et Goebbels, son ministre de la propagande, sont des grands fans de Disney, sont des grands fans de dessins animés. Hitler se fait projeter quasiment chaque soir, après le repas, un cartoon américain. Il adore ça. Et ce sont vraiment des grands fans d'animation. Ils aiment beaucoup ça. Et quand ils voient en 1938 Blanche-Neige et les Sept Nains, pour eux, c'est la merveille absolue. Déjà qu'ils étaient très friands de Mickey, mais là, Blanche-Neige et les Sept Nains... Donc ils veulent absolument le diffuser en Allemagne. Le problème, c'est que la RKO qui diffuse Blanche-Neige et les Sept Nains fait des films anti-nazis. Donc évidemment, Goebbels et Hitler sont bien embêtés, parce que passer un distributeur qui fait des films contre eux, évidemment, ils sont pas contents. Donc ils interdisent le film en Allemagne. Donc Blanche-Neige ne sera jamais vue en Allemagne pendant la guerre. Eux, évidemment, ils ont une copie privée et ils vont recevoir pendant la guerre, alors que les films sont interdits américains, ils vont recevoir par une branche de l'armée qui s'appelle Disney Forschung, tous les dessins animés de cartoons américains. Donc ils vont, pendant la guerre, continuer à leur projection de cartoons. Et donc Goebbels est tellement en colère de pas pouvoir diffuser Blanche-Neige et les Sept Nains que du coup, il va vouloir monter sa propre entreprise nationale de dessins animés. Ça va être la Deutsche Zeichenfilm. Et ils vont interdire les films américains, bien entendu, mais aussi les cartoons américains. Et ils vont vouloir faire des films purement nazis, allemands. Et donc, on va se lancer dans une campagne de dédingrement en disant que Blanche-Neige et les Sept Nains, c'est l'exaltation d'être estropié, etc. Donc, dire que ça ne correspond pas aux critères ariens. Et donc, ils vont dire que Disney a pourri avec du kitsch la tradition et les contes de Grimm. Et donc, ils vont adapter eux-mêmes leur Blanche-Neige et les Sept Nains dans des versions qui sont plutôt mauvaises. Qu'on peut voir, non ? Qui sont qu'on peut voir, mais ce sont pas des dessins animés, ça, par contre, c'est des films. C'est des films, d'accord. Donc c'est assez ridicule, c'est vraiment très mal fait. Mais Goebbels après a lancé sa société de dessins animés, et donc il y avait plus aucune concurrence américaine, et donc ils ont tenté de faire une société de dessins animés en accord avec d'autres sociétés partout dans tous les pays occupés. Juste, quelle vision, j'imagine juste, Goebbels et Hitler regarder des cartoons en pleine guerre. Dans, je ne sais pas si tu as vu, dans les films de prise de vue réelle, il y a ces images-là. Je n'ai pas vu beaucoup, mais dans les films sur Hitler ou quoi, on imagine les deux en train de rigoler devant un cartoon Warner pendant qu'il y a les camps. Enfin bon, ça paraît tellement délirant. Mais on le sait parce que Goebbels, dans son journal, qui fait des dizaines de milliers de pages, je crois 30 000 pages, parce qu'il écrit chaque jour plusieurs dizaines de pages, il dit, et à plusieurs reprises, il y a des références, il dit, en Noël 37, par exemple, j'offre 12 dessins animés de Mickey au Führer, il est enchanté. Donc, à plusieurs reprises dans son journal, on trouve des références à Goebbels qui offre comme ça des séances. Et on sait que de toute façon qu'ils sont très friands de cinéma. Et c'est vrai qu'on sait moins qu'ils étaient aussi friands de dessins animés. Oui, c'est surprenant. Alors, pour revenir en France. Donc, pour la France, donc il va y avoir des dessins animés de propagande qui vont être tournées. Alors Pétain est pas du tout fan de cinéma et pas fan de dessins animés. C'est plutôt la propagande parisienne qui va, les journaux parisiens d'extrême droite qui vont pousser à faire des films et des dessins animés. Et on va en avoir un qui s'appelle Nimbus libéré en 44 par exemple, où on voit une famille moyenne française qui est dans sa maison, qui entend en cachette la BBC, mais la voix de la BBC, c'est clairement une caricature juive, et il dit soyez rassurés, nous arrivons, etc., nous arrivons. Et en fait des avions américains arrivent, et dans les avions américains il y a Mickey, il y a Popeye, il y a Félix le chat, il y a Dingo, et donc ils arrivent et ils lancent une bombe sur la maison et toute la famille meurt. Donc la famille meurt et on voit après un squelette qui arrive avec la faux et qui dit, on entend après, il n'y a que la radio qui survit, et qui dit, soyez tranquilles, nous arrivons. Donc c'est pour dire aux Français, voilà ce qui va arriver, vos libérateurs, sont aussi vos ennemis et vos meurtriers. Donc il ne faut pas... Et ce dessin animé était mis dans les actualités. Donc tous les Français l'ont vu, il dure 1 minute 25, il a été fait en 3 mois, et le réalisateur est mort l'année dernière, donc il était encore vivant, et j'ai rencontré son épouse l'année dernière aussi, qui se souvenait pas du tout de ce passage avec la caricature antisémite. Elle m'a dit qu'elle avait jamais revu depuis 60 ans. Et le réalisateur a été inquiété. Celui qui avait créé Nimbus libéré, c'était André Dex, qui a fait partie des Waffen-SS, etc. Donc il était très content de livrer son personnage. Et ça a été commandé par la Propaganda Abteilung, c'est-à-dire par les Allemands. Donc les Allemands ont payé cash 260 000 francs à l'époque, qui est une somme absolument considérable. Cash pour faire ce dessin animé qui dure 1 minute 20. Donc c'est une somme énorme. Et il y a eu d'autres films commandés par Vichy, par contre, sur Soyez gentils avec les fonctionnaires qui ont des problèmes parce qu'il y a la guerre, etc. Donc c'est Visite aux zoos, par exemple, où on voit le fonctionnaire derrière son guichet qui est agressé par les gens. Et donc le fonctionnaire, après, se transforme en lion et ouvre sa gueule très, très grande. Et donc il dit, tel public, tel fonctionnaire. Wow. Donc, si vous êtes gentil, le fonctionnaire sera gentil, mais si vous êtes désagréable, le fonctionnaire sera désagréable. Donc, il y a plein de dessins animés comme ça, avec les jeunesses pétainistes aussi, où on a des animés avec des petites coccinelles qui représentent les jeunesses pétainistes qui viennent en aide aux Français et pour aller travailler en Allemagne aussi pour le STO. Donc, on a. Pour l'instant, j'ai répertorié une dizaine de dessins animés français. Oui, parce que ça arrive tard en plus. Dans la guerre, tu dis bien que c'est... Le problème, c'est que oui, l'industrie se met en place en 41 plutôt. Ouais. Donc les studios ne sont pas vraiment montés, mais l'État donne une somme d'argent énorme, beaucoup de subventions. Donc il y a plein de studios qui se montent. C'est un pullulement dans Paris, à Marseille. Enfin, il y a plein de studios qui se montent, qui veulent en fait profiter de l'argent, mais qui n'ont aucune expérience dans les dessins animés la plupart du temps. Donc ça va être à fond perdu pour la plupart. Puis là, il y a le problème de la couleur. Beaucoup sortent en noir et blanc. Il y a un film de Grimaud qui sort en noir et blanc parce que, alors ça, c'est un problématique. Alors, on a entendu, c'est ça, le film de Grimaud qui sort en noir et blanc, qui va quand même essayer d'avoir de la couleur en Allemagne. Oui, alors je suis en train d'écrire en ce moment un troisième livre sur une biographie d'André Saru, le producteur de Grimaud, et qui doit sortir pour les 30 ans du Roi et l'Oiseau, justement, l'année prochaine. Et Grimaud, par contre, c'est autre chose. Ils vont profiter beaucoup de l'argent du Crédit National, puisque l'État veut financer. Soit l'État donne des subventions, soit ils vont inciter le Crédit National à faire des prêts. Et donc Grimaud et les Gémeaux vont profiter d'une masse d'argent énorme. Il faut savoir que Grimaud a fait tous ses dessins animés pendant la guerre. Le Petit Soldat a été commencé pendant la guerre. Après, le scénario a un peu changé, mais a été commencé pendant la guerre. L'Épouvantail a été fait pendant la guerre. La Flûte Magique pendant la guerre. J'en ai oublié un. Ah, puis moi, je t'écoutais. Mais tous ces dessins animés ont été faits pendant la guerre. Et son long métrage, La Bergère et le Ramoneur, le projet date de décembre 1943. Donc le projet a été commencé aussi pendant la guerre. Donc c'est un. J'accuse personne, simplement. Parce que les films de Grimaud sont pas du tout. C'est-à-dire qu'il a profité, en fait. Mais ils ont profité de la situation où on voulait monter une industrie française du dessin animé. Donc on a injecté de l'argent. Donc l'industrie. L'esthétique, je pense, du dessin animé français date des années 40. Donc ça sera un autre débat, encore un autre problème. Comment l'artiste profite finalement d'une situation sans s'engager finalement dans cette... Et pour Grimaud qui se présente comme un anarchiste, effectivement, c'est un peu... C'est pour ça que c'est Saru qui va s'en prendre plein la tête après... Enfin, excusez-moi. Après-guerre. Non, t'as raison. C'est lui qu'on va accuser d'être allé en Allemagne, parce qu'effectivement, elle était en Allemagne. présenter les films des Gémeaux parce qu'il cherchait des financements. Et on va l'accuser, après-guerre, d'avoir collaboré, même s'il a fait qu'un aller-retour à Berlin, on va l'accuser d'avoir collaboré. Alors que Grimaud, pas du tout, on dit rien à Grimaud. Et Grimaud est soutenu par toute, Prévert, le mouvement d'après-guerre de gauche, donc ils sont absolument pas accusés, et donc on va accuser. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre sur sa rue, pour mettre en, rétablir la vérité, en fait, parce qu'on a, on a un peu beaucoup même, transformé la réalité après-guerre, et on l'a toujours pas changé. Et je voulais juste faire une parenthèse, parce qu'il y avait un très bon article dans Wikipédia qui parlait de sa rue Grimaud, et il a été effacé il y a pas longtemps. Et donc je m'interrogeais, parce qu'il y a une rétrospective à Fontevraud sur Grimaud dans quelques jours, et je me demandais s'il n'y avait pas un rapport, donc je trouve ça un peu triste. Voilà. Ah, donc de révisionnisme, sans doute, hein, on l'a souvent dit, Wikipédia, il faut quand même toujours regarder à droite à gauche, parce que c'est dommage que ça soit complètement fou. Wikipédia, pour moi, c'était la seule chose que j'avais trouvé, un article un peu cohérent sur Grimaud pendant la guerre. Et j'en parle un peu dans Animation et Propagande, mais Grimaud s'est toujours présenté... du bon côté. Voilà, donc il a toujours été du bon côté, y compris pendant et après la guerre. Il faudrait voir si l'expo de Fontevraud glorifie, mais... Ah oui, il va glorifier Grimaud. Risque oui. de glorifier Grimaud, c'est tacata, Grimaud, c'est ça, ça mélange trois ou quatre... Oui, c'est pour présenter l'influence de Grimaud sur l'animation japonaise. Ah, voilà. Et puis c'est présenté par Jean-Pierre Pagliano, qui est le biographe officiel. Donc on ne dira rien sur Paul Grimaud. Alors tu sais quoi, on fera une émission, quand tu feras le livre sur sa tête, on fera une émission un peu plus conséquente. Sur ça, parce que c'est toujours intéressant de voir qu'en effet, en France, un peu partout, je pense, mais partout, on n'aime pas trop balayer, donc on laisse un petit peu n'importe comment derrière une armoire en se disant, bon, oui, personne ne va le regarder. C'est pas un secret de famille, mais enfin, c'est quelque chose qui est un peu dérangeant. Et mon livre est un peu dérangé, justement, parce que je parlais du Crédit National, ses financements de l'État. Donc, ça n'a pas été très. Et puis, c'est intéressant parce que, tu sais, si j'aime beaucoup Grimaud, et c'est un grand animateur, ah oui, le fait qu'on ne voie pas non plus. Qu'on puisse pas se voir La Bergère de Ramoneur, qui a été vue par justement tous ces Japonais qui disent bien que c'est cette version-là qu'ils ont aimée, mais comme c'est la version qui avait été faite aussi remontée et oui, le problème, etc. Ça, c'est totalement faux aussi, donc ce serait intéressant. Voilà, et on ne peut pas voir cette copie finalement aujourd'hui. On peut voir que Le Roi et l'Oiseau, qui est bien estampillé, et elle est impossible à voir. Que beaucoup des Japonais, dans Miyazaki et Takahata, disent bien que c'est pas Le Roi et l'Oiseau qui sont préférés. Oui, c'est La Bergère de Ramoneur. Mais c'est La Bergère de Ramoneur, c'est ce qui leur a donné envie. En DVD aux États-Unis, par contre. La Bergère de Ramoneur ? Ouais, vous pouvez le trouver aux États-Unis. Ah, intéressant. Bon, bah, donc Mister on reviendra, parce que là, ça devient. On a en gros, t'as en gros, allez, 3-4 minutes, pas plus, pour nous parler de l'Italie, du Japon, de la Belgique, de l'Allemagne, de la Hollande. Non, mais rapidement, alors on va parler des grands pays, vraiment rapidement, à savoir l'Allemagne. En fait, il y a une vingtaine de pays pendant la guerre qui se lancent dans l'animation. Et la Seconde Guerre mondiale, c'est le point de départ, en fait, de l'animation dans beaucoup de pays. En France, il y avait des dessins animés, mais dans beaucoup de pays, ça a été le point de départ parce que l'État, pour la première fois, a voulu financer des dessins animés. Donc, au Japon, par exemple, c'était les militaires qui étaient au pouvoir et donc ils ont interdit les dessins animés de loisirs et les films de loisirs, de façon générale, et ils ont imposé des films de propagande. Donc, pour la première fois, les animateurs japonais ont eu le loisir de voir leurs films qui étaient distribués. Je pense que c'est toujours le problème de la distribution des courts-métrages d'animation. On en parlera encore aujourd'hui. Ouais. Et donc, pour la première fois, c'était distribué dans des circuits, c'était vu par des millions de personnes, et ça a ouvert des portes à beaucoup de monde. Et le Japon en fait aussi beaucoup de dessins animés anti-américains. Oui, c'est ça. Très intéressant. On n'hésitait pas. Alors, juste ce qui me surprend, c'est de voir autant de personnages historiques en fait à l'intérieur des dessins animés. On voit Hitler aux États-Unis, mais au Japon, évidemment, on va avoir Churchill. Hein, c'est ça. Ils n'hésitent pas à les caricaturer, à les montrer. Et puis ils sont toujours présentés sous des traits ridicules. Par contre, par exemple, aux États-Unis, on verra jamais une caricature de Roosevelt. On caricature jamais parce que forcément, caricaturer, c'est montrer les mauvais côtés, donc on montre jamais. Par contre, les Allemands ne vont pas faire vraiment de caricature avec des personnages réels. Par contre, en Allemagne, ils vont faire des dessins animés antisémites. Un film fait aux Pays-Bas, par exemple, tu parlais de la Hollande tout à l'heure, fait aux Pays-Bas, qui s'appelle Van den Vosrenard, et qui présente un dessin animé. Donc, c'est des animaux dans la forêt et qui sont mariés par des rhinocéros. Ces rhinocéros ont une kippa, c'est pas une étoile de David, mais enfin on comprend qu'ils ont quelque chose ici qui ressemble à l'étoile de David. Ouais. Et donc ils marient des animaux, mais de différentes races. Et donc ces mariages vont contribuer à la dégénérescence de la race. Et heureusement, ces animaux vont appeler à la rescousse des renards qui sont les nazis. Et la fin du film se termine par l'exécution des rhinocéros. Le film se termine comme ça, donc les rhinocéros sont exécutés par les renards. Et donc, c'est évidemment un film antisémite, extrêmement violent et, oui. et clair aussi, encore une fois, mais qui va fortement déplaire aux Allemands à cause du personnage du renard. C'est-à-dire que ce renard, c'est plutôt associé généralement à un personnage assez fourbe. Oui. Et donc, ce film ne va être montré une fois, et va être interdit. Donc, en fait, ils vont dépenser plusieurs... de Schilling, pour faire ce film, mais qui ne va être vu qu'une fois parce que ça va déplaire aux... Pas le fond, hein, pas du tout, ils sont très contents du fond, oui, simplement, c'est le gentil qui est présenté sous la forme d'un renard, et donc le renard qui est plutôt associé d'habitude aux méchants. Et en Italie aussi, l'industrie va un peu se lancer, on va vouloir faire un film de long métrage qui s'appelle Il Vita di Mussolini, donc on comprend que c'est un dessin animé sur la vie de Mussolini, qui va être abandonné en cours de route. Et il va y avoir juste... Il y a clairement deux films de propagande, dont un où on voit Il Dr. Churchill, où on voit Churchill, qui est... c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et on voit un monstre et, qui boit une potion magique, qui se transforme en Churchill, mais dès qu'il y a, que le monstre... Churchill touche l'or, il se transforme en monstre. Et donc, il est à la fin arrêté par... parce qu'à l'époque, c'est un peu compliqué d'expliquer si vite, ouais, mais à l'époque, on accusait les Anglais d'être la plutocratie anglaise, donc l'argent, le financement anglais. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on parle de ce film avec Churchill, qui touche l'or et qui se transforme en monstre. En Chine, il y a quelque chose où, Alors, en Chine aussi, il y a des films qui sont faits. La Chine est du côté des pays alliés. Donc, il y a La princesse et l'éventail de fer, par exemple, qui est un film qui peut être considéré comme un film de propagande à plusieurs reprises. Il y a des références à l'invasion japonaise en Mandchourie. Ouais. Il y a les frères Van, par exemple, vont faire aussi plusieurs films de propagande contre les Japonais. Parce qu'ils sont sur leur... le Japon a plusieurs... Excusez-moi, j'arrive pas à retrouver mes mots. C'est pas grave. Plusieurs c'est... îles, pas des îles, je ne trouve plus mes mots. Des quoi des territoires, des territoires, oui, c'est ça Des concessions japonaises. Merci Franck. Françaises et anglaises. Et donc, ils sont dans une concession française. Et donc, ils font leurs dessins animés anti-japonais. On se rend compte à travers... On a malheureusement tout vu. Le livre est en trois parties, hein. Il y a l'axe Tokyo-Rome-Berlin, la France un cas à part, et puis les forces alliées. On se rend compte que tu as des petits dossiers animation, propagande et musique, animation, propagande et animaux, animation, propagande et pays neutres. Le livre fait plus de 300 pages. Quand je vous ai dit, je pense que vous entendez Sébastien, c'est passionnant. Il y a plein de choses et c'est vraiment pas que pour les fans d'animation, parce que je pense qu'on apprend plein de choses sur comment... J'essaie de mettre en contexte, parce que c'est vrai que sinon on risque de pas vraiment comprendre, donc j'essaie... on m'a remercié plusieurs fois, c'est pour ça que je pense que finalement j'ai bien fait de remettre en contexte à chaque fois qu'est-ce qui se passe dans le pays, de quoi on parle, parce que c'est vrai que je voulais pas, j'essaye de pas raconter, alors voilà, dans ce dessin animé il se passe ça, oui. Après dans ce dessin animé il se passe ça, j'essaie d'éviter cet écueil, j'espère que... Ah oui, non, c'est vraiment, je dis, c'est absolument passionnant. On se rend compte quand même à travers, et puis d'abord Sébastien, et puis après Franck, on se rend compte du problème qu'il y a entre l'artiste et le politique. Et finalement, pour après passer à Monsieur Coq, où là, on parlera d'autre chose. Mais quand même, on se rend compte de la difficulté. Il y avait les militaires qui regardaient tout. Il y avait cette espèce de censure qui était militaire, qui n'était pas économique. On se rend compte de la difficulté dans tous les sens. Puisque ce que tu viens de nous dire sur les Allemands qui refusent finalement ce court-métrage antisémite, pourtant, qui aurait pu leur plaire parce qu'une petite chose leur déplaisait. La force quand même du cinéma d'animation, sur le pouvoir d'évocation du cinéma d'animation, et que le pouvoir en ait peur. À ce point-là, quand même, il y a quelque chose d'assez fort, là, dans... Juste, quand je parlais du dessin animé antisémite français tout à l'heure, Nimbus Libéré, il va être vu après-guerre, et il va pas être considéré comme gênant, parce qu'il va être considéré comme drôle par le visionneur. Et donc, est-ce qu'un film drôle, c'est un film qui n'est pas gênant? Donc, c'est quelque chose auquel je n'ai pas de réponse. Est-ce que parce que c'est drôle, c'est pas gênant, c'est pas raciste? Donc, c'est assez étonnant de voir ce rapport de ce policier qui dit en gros, il dit je trouve ça drôle, donc ça n'a pas d'incidence et il n'y a pas de problème avec ce film, on peut le laisser. Franck, après trois quarts d'heure sur la propagande dans le cinéma animation, c'est puis là ce que je disais par rapport à l'artiste face au politique, face au pouvoir, le fait de voir, est-ce que toi des fois Pour l'instant, il y a l'inventaire fantôme et Monsieur Coq, mais tu ressens le pouvoir, on t'en parle, tu ressens le pouvoir que peuvent avoir les images animées sur le public ou sur ce genre de choses, le pouvoir d'évocation. L'inventaire était moins, évidemment, politique que Monsieur Coq, mais quand même un petit peu ou pas. C'est assez difficile parce que maintenant, on est quand même dans vraiment une autre époque depuis l'avènement d'Internet qui a changé considérablement la donne. On est submergé d'images et moi, personnellement, il m'est très, très difficile de savoir si telle ou telle image a un véritable impact sur le public parce qu'il y a tellement d'images. Donc c'est plus, à mon sens, le propos, un film dans son entier, qu'une image, une scène, ou... mais c'est très vite noyé tout ça. C'est-à-dire qu'il y a très peu de films qui se distinguent des autres. Oui, ce qui n'était pas forcément le cas justement à l'époque. Non. Quand un film arrivait en salle, il n'y avait pas évidemment, la télé, c'était, le seul moyen c'était le cinéma. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus donc, en disant sur la propagande, elle n'est efficace que dans un ensemble. Un film isolé ne sera pas efficace, il est efficace que dans un ensemble, dans un schéma global de réflexion avec des affiches, avec de la radio, avec du cinéma, avec des films, etc. Et un film tout seul ne peut pas contribuer, ne marchera pas tout seul. C'est vrai qu'aujourd'hui on est submergé par les images. Voilà, aujourd'hui, moi je pense que là, effectivement, la meilleure des propagandes qui fonctionne, c'est la pub. C'est la pub et le buzz, bien sûr, par exemple, pour les longs métrages qui sortent. Là, voilà, je me souviens du buzz incroyable d'un film dont j'ai absolument oublié le nom. D'un film tourné caméscope Cloverfield. Voilà, exactement. Avec une espèce de buzz incroyable qui s'est allé sur 6 mois, il me semble, où c'était très étonnant, mais c'était même troublant. On se disait, mais c'est quoi ? C'est à nouveau. Parce qu'il dit, bon, il est question dans ce film d'une catastrophe à New York, et on croyait que c'était carrément un nouveau 11 septembre. Ouais. Enfin, ça jouait vraiment là-dessus. Or, pour moi, je pense, la propagande, elle se situe soit dans les bandes-annonces des gros films des studios américains, soit dans la publicité. Heureusement, la propagande se plante des fois, puisqu'ils ont fait la même chose avec Sa Majesté Mineure de Jean-Jacques Hano, qui a fait un bide monstrueux. Mais oui, mais moi, je ne les ai même pas vus. Ah, il y avait des pubs partout, c'était incroyable. 6 mois, même un an à l'avance, ils nous avaient sorti ça, le film est sorti, a fait un flop. À mon avis, un peu justifié quand même, mais même si c'est pas aussi nul que ça, mais c'est vrai qu'heureusement, de temps à autre, cette propagande, par la pub dont tu parles évidemment, qui est l'une des pires aujourd'hui, parce que institutionnalisée, enfin, on va dire, qui est au contraire, il y a des gens pour faire ça, t'as plein de. Et juste à l'époque, le mot propagande n'a pas le sens qu'il a aujourd'hui en plus. Dans les années 40, la propagande, ça a plutôt un sens de publicité, enfin, ça n'a pas un sens négatif, puisque même les ministres se disent ministre de l'information et de la propagande, donc c'est pas du tout un terme péjoratif à l'époque, ce qui va se prendre avec les années. Ça n'a pas tout à fait le même sens. Donc vous rendez compte, on pourrait continuer encore pendant des heures à parler, c'est absolument passionnant, ça s'appelle Animation et Propagande de Sébastien Roffa, les dessins animés pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est aux éditions L'Harmattan, 27,50 €, honnêtement pour 300 pages, vous me connaissez, hein, c'est pas que je veux absolument pousser, je suis pas là, mais c'est vrai que je me rappelle l'avoir lu à l'époque, je l'ai repris encore, et c'est tellement rare, et ça sera ma dernière question. Oui, il me faudra encore une heure après, mais ça sera ma dernière question, puisque j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est un historien et qui travaille dans le cinéma d'animation. Est-ce que donc tu vas faire un livre sur donc les Gémeaux, enfin sur toute l'aventure des Gémeaux notamment. Comment on fait, comment on travaille, comment on réussit à faire que alors que c'était très difficile au niveau de l'édition, que des livres sur le cinéma d'animation sortent, surtout des choses qui vont un petit peu loin. À chaque fois que j'ai montré l'animation en propagande, on me dit « Ah oui, c'est du pointu quand même ». Alors que je ne pense pas en plus, mais les gens ont quand même un peu cette angoisse. J'ai écrit un deuxième livre sur Disney et la France, les 20 ans d'Euro Disneyland. Ouais, donc, qui est autre chose. Oui, qui est autre chose. J'ai écrit beaucoup plus rapidement et qui s'est mieux vendu qu'animation et propagande. Donc, c'est toujours triste de passer beaucoup de temps et d'un sujet qui tient énormément à cœur et que... oui, comme tu le dis, c'est très pointu et puis, enfin, c'est très pointu. Moi, je trouve pas que c'est tout ça très pointu. Mais ça l'est pas tellement que ça. Quand je le lis vraiment, ça l'est pas tant que ça. C'est ça qui me. Et donc, c'est pour ça que chez L'Harmattan, c'est pas un très gros éditeur et les gros éditeurs ne se risquent pas dans ce genre de choses. Donc, je gagne pas d'argent avec ce livre, mais c'est pas grave. Je continue. J'aime bien ce que je fais. Voilà. Parce que je vois que tu fais pas que ça. Dictionnaire histoire culturelle de la France contemporaine, histoire mondiale et cinéma de propagande. Il y a d'autres choses en fait. L'animation ne peut pas permettre de. Je suis surtout enseignant et professeur d'histoire géographie, donc c'est. Donc oui. Là, mon salaire vient de là. c'est pas animation et propagande et quelques euros et encore qui m'a rapporté, qui a permis de vivre. Mais c'est vraiment quelque chose, une affaire de cœur et. parce que j'ai envie. Et c'est vrai que voilà, d'être invité, de parler, de faire des projections, j'en fais encore une à la rentrée, donc c'est ça qui est passionnant de partager avec les gens. Allez, on finit là-dessus, on dirait juste que tu as un site internet. 3W.celulo.net. Là, il y a tout ce que tu fais. Oui, les infos, voilà. Etc. Donc, raison de plus pour y aller encore plus. www.celulo.net. C'était le gros passage sur la propagande. On revient après avec Monsieur Coq. En attendant, pour inviter Monsieur Coq, évidemment, dans ce studio, on va écouter tout simplement les Sex Pistols, Anarchy in the UK. On écoute ça.